Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Lucille, est-ce que tu es en forme ? Bonjour Prudence, oui, super. Ça tombe bien parce que c'est le dernier épisode sur les violences au travail et on va aborder la question des recours. Si vous êtes victime de violences au travail, vous avez deux recours possibles. Ces deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être menées parallèlement. Il y a une procédure pénale et une autre administrative. Pour la voie pénale, vous pouvez porter plainte contre la personne qui a commis les faits. Ça va entraîner une enquête pénale à la suite de laquelle le procureur de la République décidera de poursuivre ou non. Je te coupe, mais pour porter plainte, il faut apporter des preuves. Et comment prouver, par exemple, un harcèlement sexuel ? En matière pénale, la preuve est libre, donc il s'agira de ramener tous les éléments qui viennent au soutien de ce que vous alléguez. Par exemple, des témoignages de collègues qui étaient là au moment des faits, ou même à qui vous êtes confié. Un compte-rendu des faits circonstanciés en indiquant la date des faits, et il est important d'être le plus précis possible. Éventuellement des certificats médicaux, des échanges de mails et de SMS, etc. En parallèle de cette voie pénale, vous pouvez saisir votre employeur pour demander une protection et des sanctions contre la personne qui a commis les violences. L'employeur doit répondre à votre saisine même si vous n'avez pas porté plainte, si votre plainte a été classée sans suite par le procureur ou si le jugement n'a pas abouti à une condamnation. Il mettra en œuvre une enquête interne et dans ce cadre, il pourra demander à vous auditionner. Sachez que vous pouvez être accompagné de la personne de votre choix. Pour vous aider dans ces démarches, il est important de vous tourner vers des interlocuteurs bienveillants et qui vous apportent soutien et écoute. Vous pouvez alerter les référents, référentes désignés, les représentants du personnel, les représentants syndicaux, membres du comité social, la médecine du travail ou encore les associations spécialisées, comme l'AVFT par exemple. Vous pouvez également trouver de l'aide juridique auprès d'acteurs institutionnels, comme le Défenseur des droits, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, si vous êtes fonctionnaire par exemple, et les maisons de justice et du droit. Vous pouvez signaler les faits à la cellule dédiée ou à la personne référente sur votre lieu de travail et ou les signaler à votre responsable hiérarchique par lettre recommandée. S'il s'agit de la personne qui a commis les faits, vous pouvez saisir sa propre hiérarchie. Si votre employeur ne réagit pas ou considère que les faits ne sont pas qualifiés à l'issue de l'enquête interne, vous pouvez exercer un recours devant le Conseil des prud'hommes, si vous travaillez dans le privé, ou devant le tribunal administratif, si vous êtes dans le public. Et comment faire pour se protéger en tant que victime ? Bonne question. Votre employeur a l'obligation de vous protéger, on l'a déjà dit. Donc, sans attendre l'issue de l'enquête interne, si vous lui apportez suffisamment d'éléments justifiant de la gravité du danger, il doit prendre des mesures à titre conservatoire pour faire cesser ce risque et prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par les faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. Il peut s'agir par exemple de modifier les plannings afin que le ou la plaignante ne soit plus en contact avec la personne soupçonnée d'avoir commis les faits. Vous pouvez aussi exercer un droit de retrait, c'est-à-dire qu'en cas de danger grave et imminent pour votre vie et votre santé, vous pouvez quitter votre poste de travail temporairement. Pour cela, vous devez alerter immédiatement votre chef de service ou un représentant ou une représentante du personnel. On espère que ces informations vous ont été utiles, même si on espère aussi que vous soyez les moins nombreux à devoir en faire usage. Beaucoup de professionnels sont là pour vous aider et vous soutenir. On vous dit à bientôt. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.